Les belles rencontres. Aujourd'hui, deuxième partie d'un entretien qu'a eu Anne Bergeron avec le sculpteur Gilles Larivière. Tu as enseigné longtemps au cégep, Gilles? Oui, de 40 ans, ça couvre 38 ans. 38 ans. Plus deux années au secondaire. Au début de ma carrière, tout de suite après l'École des beaux-arts, j'enseignais les arts en secondaire 1. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Dans une école qui avait que des secondaires 1. Mm-hmm. Pendant deux ans. Mais c'était près de Montréal, parce que je suis né à Montréal. Puis, oui, c'est là que tu as étudié les beaux-arts. J'ai étudié là, mm-hmm. Puis j'ai commencé à enseigner sur la rive sud de Montréal. Ah. Et puis, il y a eu une ouverture de poste ici au cégep. Je savais pas réellement dans quoi je m'embarquais, mais ça a comme très bien tombé parce qu'à l'ouverture du département d'art plastique du cégep de Sherbrooke, il y avait besoin de quelqu'un qui avait des connaissances dans les matériaux puis en sculpture. Mm-hmm. Ça tombait pile. Alors, j'ai sauté sur l'occasion puis j'ai aucun regret parce que c'était une très belle période de ma vie, là. Je comprends. Même si, comme artiste, des fois, on souhaite d'être libre totalement puis de pas avoir à faire aller au travail puis de revenir parce que ça nous gobe du temps, c'est sûr. Mais en même temps, c'était tellement enrichissant. Moi, j'ai eu des très beaux contacts avec mes élèves. J'ai de très bons souvenirs de ça. C'est une très belle période de ma vie. Ben, j'imagine, c'est extraordinaire aussi de voir chaque personne puis de les coacher tout le temps. Fait que, t'as dû voir toutes sortes de belles choses. Oui, des belles et des moins belles, mais ça, c'est comme ça. On n'a pas que des talents exceptionnels, mais il y a des gens quand même qui veulent puis... C'est parce que le département offrait quand même des cours pour des gens qui voulaient avoir une carrière en art. Alors, c'est sûr que là, on avait beaucoup de monde qui était intéressé. Puis, c'est ça qui... Quand la passion se développe, là, chez quelqu'un, c'est encourageant. C'est ça. C'est justement... C'est la petite étincelle, là. C'est de l'allumer. Puis, des fois, les gens l'ont, ils savent pas. Puis, ben, t'étais là pour ça. Oui, c'est ça. Puis, je voulais... quand tu conçois une création... À ce moment, est-ce que tu pars d'une symbolique pour inspirer ton sujet ou si ça se fait les deux en même temps ou vice-versa? Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire. Ce que je comprends, c'est que en partant pour moi, en tout cas moi, en ce qui me concerne, c'est pas, je pars pas vraiment de la symbolique, ça vient ensemble. Ça vient les deux ensemble. Mais je ne suis pas capable de faire quelque chose... Bon, si je prends un élément de la réalité, je suis pas capable de le voir uniquement comme l'élément de la réalité. Ok, ouais. Pour moi, ça doit dépasser ça. Ok. C'est comme il faut avoir, il y a toujours plusieurs lectures qu'on peut faire d'une œuvre. Puis ça, je m'intéresse beaucoup à ça. Puis j'aime justement transformer légèrement les choses pour que les gens se posent des questions. Mm-hmm. C'est ça qui est plus marquant aussi. On dirait que je pense que honnêtement, on peut tous devenir des très bons artistes. Je parle au niveau de la maîtrise de la forme, de la maîtrise de la couleur, c'est accessible à tout le monde. Mm-hmm. Mais d'y mettre, je pense que mon défi à moi, je pense que c'est de laisser échapper mon expression, de laisser voir ma sensibilité. C'est ça que je préfère que les gens perçoivent à l'intérieur de mon œuvre que juste mon habileté. Mm-hmm. Parce que Oui, c'est ça. Parce qu'une machine peut faire mieux que nous autres. Mm-hmm. Fait que j'essaye pas de rivaliser avec une machine ou avec un appareil photo si je fais une image. Mm-hmm. J'essaye de la transformer à ma manière pour que ce langage-là, il soit personnel autant que possible. Mm-hmm. Et puis, le sujet, c'est ça. J'aime beaucoup la nature. Naturellement, les oiseaux m'intéressent énormément. Ça fait que là, actuellement, j'en utilise beaucoup dans ma création, mais éventuellement, ça pourrait être autre chose. Puis là, de toute façon, j'ai fait des allusions à toutes sortes de... Quand je fais des personnages, mais c'est toujours c'est une suggestion ou une présence, c'est jamais la représentation d'une personne réelle. Mm-hmm. Tout à l'heure, on a parlé du jardin patrimonial de Dodwell, que tu as fait une œuvre. Est-ce que tu pourrais nous en parler justement de la symbolique? Ce que c'est que tu as commencé... De nous parler de ta, de ta conception? Qu'est-ce que c'est qui se dégage de cette œuvre-là? C'est une œuvre, en fait, que bon, qui représente, en, là, c'est sûr que ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait, mais ce que je voulais réaliser, c'était, étant donné que c'est patrimonial, je voulais qu'on retourne au passé, aller chercher des sources bon, qui ont amené au développement de Doswell. Comme par exemple, il y a une silhouette de personnage découpé dans un grand panneau là, de bronze. En fait, c'est un assemblage de bronze. Et puis, ce personnage-là, il suggère autant, par exemple, les fondateurs de Doswell, les membres du clergé qui ont aidé à développer la spiritualité dans le coin, autant les catholiques que les protestants, parce qu'on est, il y a plusieurs églises ici à Doswell, puis ça, il n'y a pas que l'église catholique, il y a beaucoup de confessionnalité. Et puis, ça parle des fondateurs, ça parle des gens qui ont développé la place, ça parle des maires qui ont été, bon, qui ont aidé à développer Doswell. Puis en même temps aussi, ben je voulais qu'on cite, étant donné que c'est en plein air, puis que c'est un jardin de, bon, c'est un jardin, c'est de la nature, ça fait que je voulais aussi qu'il y ait des références à la nature, ça fait qu'il y a un oiseau qui est perché sur le panneau. En plus, bon, ça a une forme bon, d'ogive, en fait, comme une fenêtre d'église hein, ou une porte. Fait que, citation aussi, une référence pour l'architecture des églises qu'il y a dans le coin. En fait, c'est ça. Fait qu'il y a la culture, il y a la nature, il y a les symboles de vie qu'on retrouve aussi. Bon, les symboles, quand on parle la symbolique de l'eau, par exemple, dans toutes les religions, il y a le feu aussi qui est représenté par une flamme. Il y a l'eau. Et puis, il y a la terre aussi. Ça fait que, en fait, les quatre grands éléments sont à l'intérieur de l'œuvre, représentés de façon symbolique. C'est extraordinaire. On ne pouvait pas avoir de meilleure signification que ça. On peut la trouver à Bishopton, qui est en face de l'hôtel de ville, hein, je pense. Oui. À Bishopton même, à Doswell, dans le secteur de Bishopton. Oui. Mais en réalité, c'est une grande œuvre aussi, là. Ça a plusieurs, une douzaine de pieds, ouais, c'est ça. Là, je pense que la forme au complet, ça s'approche peut-être 3 mètres. 3 mètres. Oui. Puis justement, quand tu fais des grandes œuvres comme ça, ton plan d'élaboration, ton croquis, il doit demander beaucoup de calcul. Quand tu fais ton croquis, tu dois vraiment faire ça aussi à l'échelle pour garder l'équilibre et tout ça. Oui, là, oui. Je connais pas beaucoup ça, là, mais toi qui... C'est ça qui fait la différence là, entre le travail d'atelier puis les réalisations. En fait, on parle souvent que les artistes, c'est des personnes qui n'ont pas les deux pieds sur terre. Non, je pense pas. Pour moi... disons que j'ai un atout là, c'est que j'ai de la facilité à préparer des choses. Puis pour moi c'est des maquettes, puis c'est des maquettes. En partant. OK, c'est par des maquettes. Oui, puis après ça je fais des plans. Oui. Puis j'agrandis mes morceaux, puis okay. Après ça je découpe, puis je dois suivre mes plans. OK, c'est comme ça. OK. Et puis tes sculptures sont créées pour rester. Parce que tu en as fait beaucoup à Sherbrooke, tu en as fait à l'université, qui s'appelle Équilibre fragile, précisément au pavillon de l'animalerie à la faculté de médecine. Tu en as une autre aussi à la bibliothèque Eva Sénécal. Puis tu me parlais tantôt sur la sûreté devant la Sûreté du Québec et Gorge. Ah oui, c'est ça, le parc Mitchell devant Mitchell. L'école. Est-ce que c'est l'école Mitchell? En fait, c'est Carrefour, Portland, Belvédère, là, il y a un parc et cette sculpture-là se trouve là. OK. Ben, de toute façon, Sherbrooke, j'en ai aussi devant... Dans le parc. Oui, devant l'hôpital Saint-Vincent, l'ancien hôpital Saint-Vincent qui est devenu naturellement CLC, là, je pense, quelque chose comme ça. Oui, oui, OK, oui. Puis, oui. J'en ai aussi. J'ai des œuvres à l'intérieur de certaines écoles aussi. Ah, mais bravo, Gilles. Je te remercie. Mais là, maintenant, notre entrevue tire à sa fin. C'est très peu par rapport à toute une vie de sculpture que tu as fait. Je te remercie beaucoup de nous en avoir parlé. c'est un fragment par rapport à une immensité. Ça m'a fait plaisir. Alors, merci pour nous avoir éclairé en tant qu'artiste, grand créateur, relativement à tes sculptures qui brillent par leur magnificence et par leur emblème sculpté. Merci.